That's a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Cody did it! That's like, here's a shot! Henderson made a wild snap, worked spell. Here's another shot, right by the shore! Bon matin du monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la toute nouvelle édition de l'Inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, allez mes côtés, Monsieur Pierre-Luc Giroux. Yes, comment ça va? Ça va très bien, il neige, hey! Le ski ça vient, le snowboard pour les adeptes, ça va être le fun. S'il pourrait tomber à 40 cm demain, moi personnellement je serais heureux. Vous à la maison, j'en doute fort. Wow, j'ai pas mes pneus d'hiver moi encore. Y en a une gang qui a pas des pneus d'hiver. On vous le rappelle, les pneus d'hiver sont obligatoires cet hiver au Québec. Donc, cette semaine à l'émission, on va avoir droit à la chronique junior majeure de Pierre-Luc. Cette semaine, Pierre-Luc, il va nous parler des Cats. Il va nous parler aussi des commentaires de Guy Lapointe, qui est un éclaireur pour les Wild du Minnesota, qui a fait des commentaires sur la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on va en savoir plus. Deuxième partie d'émission, nous étions à la partie des Patriots hier contre les Stingers de Concordia. Et nous allons vous livrer nos impressions sur le jeu de l'équipe. De plus, on va recevoir Coach Boyer en studio qui va nous parler du football de la CIS. Mais tout d'abord, les actualités de la semaine. Donc, chez les Pats cette semaine, les équipes sportives étant en action. Au hockey, vendredi soir contre Carlton, les Pats ont subi leur première mauvaise performance de l'année alors qu'ils ont subi un revers de 5-2 contre les Ravens. Alexandre Demes a toutefois offert une bonne performance avec un but et une passe. La défaite va à l'affiche de Jacques-Christophe Blanchard. Mais il faut croire que l'équipe n'a pas apprécié cette défaite parce que le lendemain, les GGs d'Ottawa ont subi les foot des gars de Jacques Laporte. Ils l'ont emporté 7-1, une grosse dégelée. Alexandre Demers a continué sur sa lancée, récoltant 3 points, tout comme Jonathan Boutin. L'ailier gauche Mathieu Gravel a toutefois reçu une inconduite de partie après avoir donné un coup de coude à un joueur adverse. C'est pas grave, c'est rude, on aime ça comme ça. Hier soir, les Pats affrontaient Concordia ici même au Colisée de Trois-Rivières. La partie s'est terminée par un pointage de 3-1 pour nos Pats. On va revenir là-dessus en deuxième partie d'émission. Toutefois, j'ai des bons commentaires là-dessus. Suite au classement top 10 qui est sorti mardi, les Patriots sont maintenant classés 5e au pays, donc aucune amélioration, eux qui étaient 5e la semaine dernière. Au soccer, les hommes et les femmes étaient à Beauport vendredi soir pour affronter le Rouge et Or. Les hommes ont été défaits 2-0 alors que les femmes ont perdu par un pointage de 4-1. Claudie Raté-Fortin a inscrit le but chez les Pats. Dimanche, les Patriots étaient à domicile pour recevoir l'autobus des Redmen. Et des Redmen qui est l'équipe masculine de McGill et des Martlets qui est l'équipe féminine de McGill. Les deux équipes n'ont pas le même nom parce que Red Woman, ça sonne louche. La saison de misère des deux formations se sont continuées alors qu'ils se sont inclinés par des marques identiques de 4-0. C'est pas facile pour le soccer à l'UQTR cette année. Chez les Cataractes, c'était une petite semaine pour les Cataractes. Ils disputaient seulement deux matchs, tous deux dans la ville de l'énergie, Shawinigan. Vendredi soir, ils ont massacré l'Océanique de Rimouski 8-3. C'est dès que Lalonde McNichol et Matthew Pistry se sont démarqués, enregistrant 5 points, dont un tour du chapeau pour Pistry. Le défenseur Simon Lacroix a aussi enregistré 3 points dans la même partie. Monsieur Lacroix connaît un fort début de saison. Ça a moins été facile par contre Val-d'Or samedi, même si Val-d'Or connaisse un début de saison misérable. Il a fallu la performance de 4 buts en 3e période pour vaincre les Foreurs, alors qu'on avait eu droit à un changement de gardien de la part des Cataractes. Girard avait laissé sa place à Pallmeyer. Simon Lacroix a été le meilleur chez les Cats avec une récolte de 3 points, lui donnant la première étoile.

J'étais un peu déçu, là, Nicolas. Comment ça, t'es déçu? J'étais sûr de mes prédictions. T'étais sûr de tes prédictions? Yes, ça va pas bien dans mes prédictions. Ça fait 2 semaines que les équipes locales me donnent pas raison. Fait que ça me déçoit un peu. Oh! Mais c'est pas grave. C'est peut-être pas un problème d'équipe locale ou d'équipe visiteur. C'est peut-être un problème de prédiction lui-même. Peut-être le gars à l'arrière. Peut-être le gars à l'arrière du micro qui a un problème avec sa. Mais y a pas de problème. Je trouve que ça va mieux aller, là, cette semaine. Donc, cette semaine, Hockey Junior, Nicolas, tout d'abord, les 4 sont en feu. Ils ont rapporté 2 victoires en autant de matchs cette semaine et avec leur victoire décisive sur la Céanique vendredi, on commence tranquillement, pas vite, à penser à la Coupe Memorial pour cette année. Les équipes commencent à trouver ça de plus en plus dur à venir jouer ici à Shawinigan. L'Océanique se sont fait surprendre vendredi soir alors que les 4 les attendaient de pied ferme. Eux qui les ont rincés, oui je pense que c'est le bon mot, rincés. Par la marque de 8-3 à l'Arena Jacques Plante. Mais donc plus d'emphase si ton rincé. Rincé, OK. Le duo Pistilli et Lalonde McNichol ont encore fait des siennes face à l'Océanique, récoltant 5 points chaque dans la victoire. Pistilli a d'ailleurs eu un taux de chapeau aussi dans la victoire. Donc les Cats ont réalisé pas moins que 50 lancés contre le gardien de l'Océanique, François Lacerte. Puis samedi, nos Cats ont remporté une victoire un peu plus difficile par la marque de 7-5. Face aux pauvres Foreurs qui subissaient leur 14e défaite de la saison, eux qui égalisaient la marque du plus grand nombre de défaites en débutant la saison, qu'ils n'ont d'ailleurs pas battu quand ils ont gagné contre les Olympiques le lendemain. Donc c'était une belle victoire d'équipe des Cats, contrairement à la veille où ça avait été l'affaire de Pistilli et Lalonde McNichol. On a vraiment vu un effort collectif des hommes d'Éric Veilleux. Mais la première étoile du match a été le capitaine Simon Lacroix, lui qui a inscrit 3 buts dans la victoire. Lacroix joue du très gros hockey présentement. Yes. Depuis qu'il est revenu du camp des Islanders de New York, là, c'est un excellent atout pour les Cataractes. C'est le capitaine aussi. Là, c'est donc, capitaine. C'est leader. C'est un gros leader. Le gros leader. Donc, avec ça, il a été la première étoile du match. Il a d'ailleurs été choisi le joueur de la semaine défensif dans la LGMQ. Son coéquipier Mathieu Pistilli, le joueur de la semaine offensif de la semaine, lui qui a récolté 10 points en 3 matchs. Il a aussi été choisi par la Ligue canadienne comme étant le joueur Boston Pizza de la semaine. Je sais pas s'il a le droit à 1 an de pizza gratuite chez Boston Pizza avec ça. Ah, écoute, tant qu'il peut pas y aller, c'est parce qu'il peut juste pas y aller à Boston. Non, c'est ça, mais ils sont pas à Boston. Avec ces 2 victoires, les Cataractes conservent donc le premier rang de la section centre à égalité avec les Voltigeurs de Drummondville. Ces 2 équipes connaissent beaucoup de succès en ce début de saison et l'attaque à 5 de ces 2 équipes y est pour quelque chose. Les Cataractes ont une moyenne de 40% en avantage numérique, ce qui est excellent. Si on regarde les derniers matchs des Cats face à l'Océanique, 4 buts sur 6 avantages numériques. Donc ça fait la différence, là, Nick, quand on n'est plus à 8-3, mais on est à 4-3 si on enlève ces 4 buts. Donc ça change quand même l'allure d'un match. Définitivement. Ensuite de ça, face aux Foreurs, ils ont fait 3 buts sur 5 avantages numériques. Donc, c'est plus 7 à 5, c'est 5 à 4 Foreurs si on enlève ces 3 buts-là. Encore là, on voit vraiment que l'attaque à 5 des Cataractes, il y a quelque chose pour les grosses victoires qu'ils sont allés chercher cette année. Ah, on l'avait dit en début de saison que ça allait être une des forces de l'équipe et même que l'équipe allait être une des forces dans la Ligue, puis c'est en train de se réaliser définitivement. Ouais, puis je pense que les équipes adverses vont faire de plus en plus attention là, pour pas pogner des punitions contre les Cataractes parce qu'ils commencent à savoir que Capistilli puis Lalonde McNichol, ils ont de la place à la glace, ils ont de l'espace. Que ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, les Voltigeurs, eux aussi, connaissent du succès à l'avantage numérique avec une moyenne d'efficacité de 32%. On va en parler de nos Voltigeurs. Donc, la semaine dernière, les Voltigeurs ont été les seuls à respecter ma prédiction. Alors que je leur avais prédit 2 victoires, ils sont allés les chercher, ces 2 victoires-là. Donc, c'est sûr que c'était pas des grosses équipes, mais quand même, 2 victoires de plus en poche pour nos Voltigeurs. Ils ont tout d'abord défait les Foreurs vendredi soir au Centre Marcel Dionne dans une victoire de 5 à 1. Mike Hoffman et Philippe Lefebvre ont été les étoiles du match avec 3 points chacun. Les Voltigeurs ont dominé le match alors qu'il y a eu une nette domination au chapitre des tirs avec 47 à 17. Dimanche, les Voltigeurs ont encore une fois remporté 5 à 1, mais cette fois c'était face aux Moussettes d'Halifax. C'est le capitaine Marc-Olivier Vachon qui a été la grande étoile du match, récoltant 2 buts et 1 passe dans la victoire. C'est étonnant quand même que les Voltigeurs soient classés aussi haut que ça, c'est-à-dire à égalité avec les Cataractes, mais quand les 2 équipes se sont affrontées la dernière fois, ça s'est fini 7 à 0. Est-ce qu'on a le droit, un début surfait en tant que tel, on a affronté des équipes plus faciles de la part des Voltigeurs? Non, je ne crois pas. Je pense que les Voltigeurs, il est vraiment la marchandise. Peut-être que contre les Cataractes, ça n'a pas été vraiment un bon match pour eux autres. Mais je pense qu'on a vraiment un gros club à Drummondville cette année. Puis on peut même penser qu'ils vont pouvoir rivaliser avec les grosses équipes. Là. Ah, c'est bon. Donc, quand on parlait que les Voltigeurs avaient du succès en avantage numérique, 3 buts ont été comptés en avantage numérique par les hommes de Guy Boucher dans le match contre les Mousseds. Donc, après avoir une petite semaine tranquille la semaine dernière, les Voltigeurs vont trouver la fin de semaine qui s'en vient probablement un petit peu plus difficile alors qu'ils sont à Québec vendredi pour affronter les Remparts qui n'ont pas perdu dans les 10 derniers matchs en passant. Ouais. Samedi, ils reviendront à Drummond pour y affronter le Titan d'Acadie Batters au Centre Marcel Dionne et en plus, le lendemain, on reçoit les Cataractes. Donc, 3 matchs en 3 soirs pour nos Voltigeurs. Et c'est pas n'importe qui, parce qu'ils vont affronter quand même 2 des meilleures formations du circuit avec les Remparts et les Cats. J'ai l'impression que tes prédictions sont pas aussi positives cette semaine pour malheureusement, eux. Malheureusement, pour eux, j'ai prédit 1 victoire seulement dans la fin de semaine pour eux sur 3 matchs. Donc, encore là, c'est pas bon. On va espérer d'aller chercher des petits points en prolongation ou en fusillade. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je pense que les Voltigeurs, même là, si je leur prédis 2 défaites, là, je suis sûr qu'ils vont super livrer la marchandise là, contre les Remparts et les Cataractes. Ça va être plus difficile, les Cataractes, par exemple. C'est quand même le 3e match en 3 soirs. Troisième match, 3 soirs. Ça commence à paraître. Surtout une rivalité quand même où est-ce que les deux équipes sont proches. Là. C'est pas Victor Shawinigan, mais c'est ou Shawinigan-Drummond, mais Drummond-Shawinigan, ça s'aime dans pas non plus. Dans le match, à surveiller les avantages numériques. Hein, mm-hmm. Je pense que les Cataractes et les Voltigeurs sont les 2 meilleures équipes classées pour le pourcentage d'efficacité en avantages numériques. Donc, je pense qu'on va pas essayer d'aller chercher des punitions quand tu sais que t'affrontes un gros club comme ça. Effectivement. On va maintenant parler de nos Tigres qui s'en tirent bien aussi par les temps qui courent. Faut pas compter les Tigres battus dans la section centre, eux qui accusent un retard de seulement 4 points derrière les Voltigeurs et les Cataractes. Donc, on a vraiment de la compétition féroce là, dans la section centre. C'est la section dans laquelle c'est le plus compétitif. C'est étonnant parce qu'on prédisait vraiment pas une bonne année là au Tigre de Victoriaville. Là, non, on les a vus, nous autres, contre les Cataractes. Je te dirais c'était... que ça allait un peu n'importe où sur la glace. Puis pourtant, regarde, ils livrent la marchandise là, contre les grosses équipes à date. Là. On peut pas dire un mot. Ouais, c'est ça, c'est sûr et certain. Donc, les Tigres ont connu une belle petite fin de semaine, défaisant par 2 fois les Screaming Eagles du Cap-Breton au Colisée des Jardins. Ils ont tout d'abord remporté le premier match par la marque de 5-3 dans une remontée spectaculaire, eux qui tiraient de l'arrière 3-0 à mi-chemin dans la partie. Alexandre Labonté et Jonathan Bonneau ont tous les deux obtenu 3 points dans la victoire. Puis, samedi, les Tigres n'ont pas voulu se faire jouer le même tour une deuxième fois alors qu'ils ont marqué les 2 premiers buts de la rencontre en première période. Donc, c'est plus samedi, les Tigres, c'est ça, qu'ils ont marqué les 2 premiers buts de la rencontre. Donc, ça va bien pour les Tigres. J'avais parlé de la semaine dernière que je n'aime pas beaucoup ce calendrier d'affronter 2 fois les équipes du Cap-Breton, 2 fois dans la fin de semaine. Ouais, ouais. Donc, non, les partisans des Tigres ont répondu à mon appel parce que il y avait 2100 quelque chose spectateurs dans les 2 matchs. C'est d'ailleurs la 3e et la 4e meilleure foule de la saison au Colisée des Jardins. Donc, ça n'a pas empêché le monde d'aller les voir en fin de semaine. Une autre prédiction, tu t'es trompé. Ouais, c'est ça. Donc, je suis bien content que ça allait jouer pour eux sur l'assistance. Donc, j'espère qu'ils ont eu du bon spectacle de hockey face aux Eagles parce qu'ils ne les rêveront plus de la saison. Donc, les Screaming Eagles ne joueront plus au Colisée des Jardins à moins qu'on les croise en série. Les caprices du calendrier de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Cette semaine, encore une fois, un programme double pour nos Tigres au Colisée des Jardins, mais cette fois, c'est contre une équipe de leur division, les Maniacs de Lewiston. Donc, 2 matchs vendredi et samedi au Colisée des Jardins. Et ils termineront la fin de semaine à Montréal pour y affronter le Junior dimanche. Ma prédiction, 2 victoires en 3 matchs pour nos Tigres. Pour revenir aux Cataractes, eux, cette semaine, ils croiseront le fer 1 fois face à l'Océanique vendredi. Ensuite, le match à suivre cette semaine, les Cataractes contre les Voltigeurs ce dimanche au Centre Marcel Dionne. Donc, encore une fois, on va avoir là, un duel entre les deux équipes. On espère que ça va être un petit peu plus compétitif que la dernière fois. Plus chaud. Les Cataractes termineront la semaine ensuite contre le Titan d'Acadie Batters. Donc, la nouvelle réglementation fait encore jaser dans la LGMQ. Quand tu parles de la nouvelle réglementation, tu parles des batailles? Je parle des batailles. Des batailles, OK. Des batailles. Des batailles. Donc, le vétéran recruteur Guy Lapointe du Wild de Minnesota est venu assister au match opposant le Junior de Montréal et les Screaming Eagles du Cap-Breton à l'Auditorium de Verdun samedi dernier. Dans ce match, Angelo Esposito a été expulsé du match après avoir jeté les gants pour venir venger son coéquipier Luke Adam qui venait d'encaisser une dure mise en échec qui aurait pu le blesser. Donc, Guy Lapointe a alors déclaré « Bientôt, on va leur mettre des tutus ». Donc, on commence à avoir une ligue en tutu dans la SJMQ. On est encore vraiment en train de devenir une ligue de danseuses de ballet. Pensez-vous qu'un gars, exemple, comme Georges Larac, s'il aurait joué cette année, il aurait été repêché par la LNH? Écoute, je me rappelle de Larac à Granby, les batailles contre Peter Worrell, qui jouait avec les Olympiques de Gatineau. Oublie ça, là. Des choses comme ça, on n'en voit plus. Puis c'était pas sale, là. C'était pas des coups vicieux. Ce qu'on veut vraiment éliminer du hockey, c'était pas des coups vicieux. C'était une bonne bataille. On lance les gars à terre. Puis, ah ouais, à gros coup de poing, par exemple, là, je dois dire, c'était très violent. Les deux gars saillissaient comme c'était pas possible. Puis les deux clubs saillissaient en tant que tel, là. C'était deux très grands ennemis en 96. Mais, non, justement, un joueur comme Georges Larac qui, on l'a vu contre le Canadien le samedi, là, adulé par la foule. Quand Costetine s'est fait plaquer, là, vraiment comme il faut, quand il s'est fait ramasser, la foule scandait Big George, on veut Big George. Malheureusement, des joueurs comme ça, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, si ça continue sur cette lancée, j'écoutais Stéphane Leroux qui disait on va réévaluer la situation une fois rendu après Noël. Je pense que ça, c'est bien de voir ça de ce côté-là. C'est bien de réévaluer ça après Noël. J'espère. Peut-être que les ajustements, ouais, la façon de faire va changer un petit peu lentement, mais sûrement. Mais ouais, en effet, là, des joueurs comme ça, des joueurs de des gros joueurs solides, on n'en verra plus. Non, parce qu'on est en train de devenir carrément la risée là, de la Ligue canadienne. Quand tu dis qu'il se passe rien, il n'y a pas de batteur, le monde a de la misère à brasser un peu la cage de l'autre équipe. Quand tu vois la Ligue de l'Ontario puis la Ligue de l'Ouest que... Sont sur la même moyenne que la Ligue d'hockey junior, la Ligue d'hockey junior majeur du Québec l'an dernier. Oh, donc, ouais. Le 0.9 de l'an dernier que tout le monde trouvait donc affreux et c'est des 20 ans qui frappent sur des 16 ans, ce qui n'était pas vrai en passant. Il n'y a pas eu aucune bataille entre un 20 ans et un 16 ans l'an dernier. Aucune. Donc, ce qu'on a entendu dans certains médias, ce n'était que des calomnies. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'avec ça, là, on est en train vraiment de devenir la risée de la Ligue. Lise est dans le fond... Les recruteurs, ils viendront plus chercher des joueurs d'impact ici. Là, ça va être encore plus difficile là, pour un joueur de devenir, de venir percer dans la LGMQ quand t'es un gars qui est un bon batailleur. Donc des Larac, des Worrell, des gars comme ça, on n'en verra plus dans la ligue. C'est un peu plate. Puis même ce qui arrive, c'est que les éclaireurs, les recruteurs ne vont plus venir voir les games du junior. Ce qui arrive, c'est que dites-vous, monsieur, justement, Guy Lapointe, recruteur pour le Minnesota, vient voir une partie de Acadie Batters ou Shawinigan ou peu importe, pour voir un gros gars, ok? Lui, il est gros, nanana, il joue défenseur, il se bat souvent, mais il est capable de donner des coups d'épaule, puis il est solide en défensive. Oups, pendant la même game, il voit un autre joueur, oups, on l'évalue, il est plus petit, lui, il est moins physique, mais il est pas payé pendant tout, il me surprend, oups, finalement, ce joueur-là va devenir un choix de 7e ronde, alors qu'il aurait pas été repêché normalement, parce que les recruteurs l'auraient tout simplement pas vu. Donc, ce joueur qui pouvait entrer dans la ligue, sans dire par défaut, mais qui se faisait voir par défaut, oui, ne sera plus capable d'y aller. Il n'y aura plus cette visibilité-là. Non, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est très dommage. Écoute, Pierre-Luc, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On se revoit après la pause. On va passer à la chanson après la pause avec la chanson Champs-Élysées de NoFX sur les ondes de C'est fou 89.1. Attention, attention. Tous les véhicules immatriculés au Québec devront être munis de pneus d'hiver entre le 15 novembre et le 15 avril. Donc, n'attendez pas pour vous rendre à votre magasin Canadian Tire. Allez voir les spéciaux en magasin sur les différentes promotions sur les pneus d'hiver ainsi que sur toute la marchandise hivernale. Commencez l'hiver du bon pied avec votre magasin Canadian Tire. Jeudi 6 novembre au Charlot, studio stéréo CIFU 89.1 vous invite au lancement de la compilation Sound from the North Volume 1, disponible dès maintenant sur iTunes. Lancement officiel de la compile, agrémenté de prestations de musique électronique avec Bio Bazar, Nia, Mitra et Maxime Robin. Partez électro ce jeudi 6 novembre, 20h, au Charlot. Entrée gratuite. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité. Le cours UQTR 101. Les étudiants questionnent le doyen des études du premier cycle. Art et spectacle. Lancement de la nouvelle programmation de CIFU 89.1 à la Chasse-Galerie. Sport. Patriot Hockey. Les hommes de Jacques Laporte sont prêts pour le début de la nouvelle saison 2008-2009. Zone Campus. Offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus. Parce que ça vous concerne. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? Ben, c'est juste qu'en ce moment, il y a un 2-pour-1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cour par excellence. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. C'était NoFX avec la reprise de la chanson de Joe Dassin aux Champs-Élysées. Hier soir, on était à la partie des Patriotes au contre Concordia ici au Colisée de Trois-Rivières. J'ai bien apprécié l'expérience. J'étais sur la galerie de presse pour, soyons francs, la toute première fois de ma vie. T'étais à côté de qui, donc? J'étais à côté du légendaire Serge Vlemings. Écoute, pour ceux qui connaissent pas Serge Vlemings, c'était l'animateur de l'émission de Mini-Pot à RDS. Mini-Pot à RDS, ouais. Écoute, tu devais être content. Écoute, non, mais je dois dire, moi, personnellement, Serge Vlemings, je l'admets parce que il couvre le sport universitaire, qui est un sport ben qui est pas tout le temps, tu sais, beaucoup d'exposure. C'est plus difficile d'avoir des exposures au niveau sport universitaire, puis c'était un gars-là, un passionné. J'écoutais parler sa galerie de presse, je tripais comme un malade. Il a une grande gueule, lui. Ah, là, écoute, non, mais ça prend dans le business, une grande gueule. Fait que j'ai vraiment vécu une expérience vraiment géniale. Donc, écoute, j'ai pris des notes sur la partie en tant que telle, comment ça s'est déroulé. Premièrement, la première période, là, ça a mal commencé, je te dirais, pour les Pats. Les Stingers, ils menaient bien, c'était décousu de la part des Patriotes, des mauvaises passes. Les Stingers ont eu beaucoup plus de chance. Jean-Christophe Blanchard, qui est en passant un gardien de première année, là, donc il est là pour 3 ans, ça va être c'est une très grosse acquisition pour les Patriotes. Il a fait des gros arrêts, dont un de la patte vraiment à l'extrémité, pour voler des buts aux Stingers. Mais aussitôt que la 10e minute a été passée, les Pats se sont réveillés. Puis ils ont ajouté un but à la marque de 13-47. C'est Alexandre Demers devant le but sur un tir sur réception. Mathieu Gravel a récolté la passe. En passant, lors de la première période, Jean-Sébastien Breton, qui est un deuxième année, était atteint au visage par une rondelle. Au visage? Au visage, oui. Et au visage, donc, il est pas revenu au jeu. Il s'est rendu à l'hôpital pour subir des rayons X. En deuxième période, bon, les quartiers d'orange que les Pats ont gagnés devaient être excellents parce que ça a pris 47 secondes pour ajouter à la marque. C'est Jonathan Boutin qui a déjoué Joyal d'un tir dans le haut du filet. Joyal qui est le gardien pour les Stingers. Ce but de Jonathan Boutin le place à la 10e marche des buteurs de tous les temps chez les Pats. Puis, en plus, c'était son anniversaire de naissance, donc félicitations, M. Boutin. Bonne fête, Boutin. À 5:30 de la période, les Patriots se sont vus refuser un but. En vrai dire, ce qui est arrivé, c'est que la rondelle a monté. Elle a été tapée dans le haut du filet, tout juste en haut du poteau. Moi, de mon âme, j'ai très bien vu qu'elle est rentrée. Serge Lemain, c'était d'un autre avis, mais c'est pas grave, là, c'est moi l'expert des Patriots. Donc, mais le jeu a continué ça a pris 15 secondes, les Patriots en ont mis un, puis lui, il était accordé. Donc, puis c'était un autre but pour Jonathan Boutin. Donc, alors qu'il restait que 6 minutes à la période, c'est les Stingers qui ont réussi à s'inscrire à la marque avec un but de Skangula. En troisième période, écoute, ça a commencé fort cette fois-ci pour les Stingers. À 3 minutes 46, c'est un but de Mike Balzik qui aurait serré le pointage. C'était maintenant 3-2. C'est plus difficile. Là, il aurait fallu que les Pats jouent plus défensif. Ça n'a pas été le cas. Ils sont tombés dans le pattern de la première période du jeu décousu, des mauvaises passes. Ça n'a pas été facile. On a même été chanceux parce que derrière le but, en milieu de troisième période, Singula s'est fait frapper. Il a perdu son casque. Mais sur le jeu, il a donné un coup sur la rondelle. Ça l'a tapé en arrière du gardien Jean-Christophe Blanchard. Ça a failli rentrer. Par contre, comme il a joué pas de casque, c'est un 2 minutes de pénalité. Donc, au lieu de récolter un but, Singula s'en tire avec un 2 minutes de pénalité. Ce qui est venu nuire aux chances des Stingers de remonter. Ça leur a fait perdre le momentum. En fait, partie Concordia a retiré leur gardien, mais les joueurs des Patriots ont réussi à garder le filet sans but, si je peux dire. Donc, c'est une victoire de 3-2 de la part des Patriots. Après la partie, Jacques Laporte était pas nécessairement fier de l'effort des gars. Comme il a dit, on va prendre 2 points, puis ça va être ça. C'est un festival d'erreurs, mais c'est comprenable. Les joueurs sont débordés, c'est la mi-session présentement. Aussi on a connu une fin de semaine quand même active, donc il y avait un petit relâchement au niveau de l'effort, mais c'est pas grave. Je pense aussi que les joueurs, comme il a dit, sont nerveux à propos du voyage qui s'en vient aux États-Unis. Donc on s'en va jouer contre 3 équipes de la NCAA, c'est-à-dire Dartmouth, Harvard et Princeton, non Brown, désolé Brown. Donc trois gros clubs de haut niveau, vraiment. Tu penses que les Pats vont être capables de rivaliser avec ces clubs-là? Je ne sais vraiment pas. L'avantage que les Pats ont en tant que tel, c'est que c'est le début de la saison là-bas. Les gars sont pas en ce qu'on appelle en game shape. Donc ils ont des chances. Par contre, là, il y a un problème, c'est qu'Alexandre Demers ne sera pas du voyage aux États-Unis pour cause de mortalité dans sa famille. Donc c'est le joueur de premier trio que l'équipe vient de perdre. En plus, je dois dire, en regardant la partie hier, c'est seulement le premier trio qui marche fort. Les autres, ça donne un effort, mais il manque quelque chose. Vraiment, c'est le premier trio qui fait la force des Patriots, évidemment. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriots. On se voit maintenant en studio. Coach Boyeux, Guillaume. Salut Nick, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, cette semaine, grosse semaine d'activité dans la Ligue de football universitaire. Il y a eu des games qui ont été écœurantes. Là, on va parler aujourd'hui de Montréal contre McGill, Concordia contre Bishop et puis Sherbrooke contre Laval. Après ça, on va faire un petit récap. C'est quand même rendu l'avant-dernière semaine. Là. C'est samedi qu'on sait quelles équipes du Québec vont réussir à passer au deuxième rang en série. Puis après ça, on va regarder les possibilités parce que tout est chaud, sérieusement. Tout peut se jouer vraiment en fin de semaine. Là, c'est écœurant comme activité ce qu'il va y avoir. C'est très serré, là, on s'entend. T'as Laval, puis t'as les autres. Ouais, c'est ça. Mais t'as Je dirais Laval, j'accorde un peu de crédit quand même aux Renards là, qui sont fait lessiver, mais ça, on va en reparler un petit quand peu même tantôt. 41-3. Ouais, ben, c'est ouais. Ça. Ben, écoute. On voit pas quel crédit tu pourrais donner à cette équipe-là qui a fait 3. On va commencer. Ben, y avait gros des fans de Sherbrooke dans la place. C'est tout ce que je peux dire. Ils ont réussi à rentrer, là, à se tasser dans un petit coin. Donc, au moins. Je vais te donner tantôt la tendance pour la game. Écoute, on a quand même eu une très, très, très grosse foule à Laval en fin de semaine. Là. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu ben les entendre. Non, c'est ça. C'est... Écoute, on va commencer avec Montréal contre McGill. 45-23, McGill a réussi à scorer, ce qui est quand même assez impressionnant cette saison aussi. Mais M. Santerre était furieux à la mi-temps. Je comprends. Écoute, 15-14 pour Montréal. Les Bleus en arrachaient. Deux touchés back-à-back de la part de McGill. En revenant, je sais pas si t'as vu la game. Ouais, ben, j'ai écouté sur les ondes radiophoniques. Ouais. Écoute, le commentaire de Santerre a été cinglant en revenant de la demi, là. C'est, quand tu joues mal de même, c'est normal que tu tires de la patte, là. Fait que, on voit que, il trippe pas pantoute, lui. Ben là, avec la saison que connaît les Carabins présentement, c'est-à-dire incapable de vaincre une équipe du Québec. Félicitations, là, ils ont 4 victoires, puis ils vont peut-être accéder aux séries. À l'arraché, mais 4 victoires là-dedans, il y en a 2 contre les équipes de l'Ouest, là. C'est pas quelque chose de fameux, là, ça. Là. Okay. D'après moi, sérieusement, là, M. Santerre, va falloir qu'il révise ses choses, puis peut-être que le coordonnateur offensif a un petit peu de blanc aussi à avoir là-dessus. Là, oui. Quand ton équipe est pas capable de scorer. T'as des personnes à accuser avant le coach en chef. Là. Ben, d'après moi, il y a peut-être un effort des joueurs aussi. Aussi, là. Sûrement. Je pense que c'est un tout qui fait que les Carabins sont médiocres cette année. Écoute, par contre, en deuxième demi, la défensive des Bleus s'est signalée là, avec quand même 8 sacs du corps arrière qui portent ainsi son total à 31 en 7 matchs. Brouillette a terminé son match avec 20 passes complétées en 30 tentatives pour des gains de 245 verges en plus de subir une interception. Anne Boursicot, lui, sociologie, qui s'est blessé dès sa première course. Sociologie, ça, c'est en quoi qu'il étudie? Ouais, c'est ça. OK. Je pensais que c'était son troisième, non? Non. Donc, Jean-Marie en a profité pour accumuler 175 verges en 21 portées. C'est pas si pire que ça, sérieusement, 176 verges. 2 touchés pour Jean-Marie. Puis Bruno a été le plus productif chez les receveurs avec 106 verges de gain en 5 réceptions. Connell, pour sa part, notre ami de McGill. Écoute, 26 de ses 36 passes. Ce gars-là est en feu, sérieusement. Là. Présentement, Connell, avec ses résultats en fin de semaine, est rendu officiellement le plus grand corps arrière de la Ligue canadienne de football. Et c'est plate parce que ce gars-là a pas de mérite parce qu'il joue avec ben, McGill. Non, justement, il y a du mérite ouais, parce qu'il joue avec McGill. Il n'y a pas de reconnaissance. Mais à vrai dire, c'est le duo qu'il fait avec Charles-Antoine Sinop qui est vraiment la seule chose qui est le rayon de soleil pour les partisans de McGill, là, les 7 qui restent. Là. Mais c'est ce vraiment la seule chose qui peut se réjouir. Ce gars-là est vraiment complet. Là, je le regardais, il fait les potées de dégagement en plus. Il court avec le ballon, c'est boiteux un peu. Là, mais tu sais, s'il a besoin de se sortir du trou, il est capable. Là. Mais Connor, à un moment donné, sérieusement, on aurait dit, surtout au premier quart, là, on aurait dit que la défensive de McGill, là, c'était un beau tas de beurre, puis Montréal était vraiment un couteau, là, ça rentrait de tous les bords, de tous les côtés, un moment donné, là, quand on avait juste pas le temps de rien faire, là, t'avais des blitz qui rentraient de partout, là, puis même, un moment donné, il y a eu, quand on est arrivé pour faire son dégagement, il s'est fait saquer 2 fois de suite, puis sur le boté de dégagement, t'as eu de la pression qui est rentrée vraiment de tous bords, de tous côtés, quand on savait juste plus vous donner de la tête, là. Ah, mais écoute, c'est... Mais penses-tu qu'il y a des chances à la CFL? Il est gros, hein? Ouais, il est mou. Il est gros. Ben, il est mou. Je dis pas qu'il est mou, là. Je le connais pas personnellement. Je l'ai pas vu au gym, là, mais il est massif. Ah non, il y a facilement 260 livres, ce gars-là, là. Écoute... C'est pas Jared Lorenzen. Non, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas Jared Lorenzen, c'est un carrière pour les, si je me trompe pas, ben là, il jouait pour les Giants l'an dernier, puis Giants de New York, puis il était à l'université du Kentucky, dans NCAA. Lorsqu'il était à l'université, là, il jouait carrière là, en haut de 300 livres, là. 300 livres pour un carrière, il avait l'air d'un cochon dans son casque. C'est pas plus compliqué que ça, là, la peau sortait de partout, là. Mais un bras de la mort. J'ai l'impression que cette carrière-là, avoir joué à 2,40, aurait pu faire quelque chose dans la NFL, mais il aime trop les Joe Louis. C'est ça qui est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ou le McDonald's. Le McDonald's, ou le McDonald's et les Joe Louis. C'est, les deux ensemble. C'est une addition, hein, ouais, ouais, une somme. Ouais. Concordia Bishop, 33-25 pour Bishop. Bishop. Qui ont réussi à gagner une game contre Concordia. Ça, sérieusement, les fans au Counterfield devaient triper en, là, tu sais, voir leur équipe en avance. Ben, je te dis quelque chose. Qui ont vu souvent cette saison-ci, là. Je te dirais que ça surprend. Moi, personnellement, Bishop, on est quand même une équipe potable cette année. C'est sûr que ça sera pas drôle. Je pense que l'an prochain, ils perdent Jamal Lee. Ouais, c'est ça. Écoute, sérieusement, Jamal Lee, présentement, là, il s'est illustré avec une course de 64 verges en début de partie. Ce gars-là, lui seul, a quand même récolté 189 verges. Présentement, pour sa carrière, il est rendu à 4200 verges. Et puis, cette année, 1106 verges de gain. Écoute, c'est écœurant, là. Tu sais, ce gars-là, cool, là. Mais, il me fait penser à Mike Pringle. Ouais, même style, un peu. Même style, c'est-à-dire, on va chercher des courses de 4 verges, 3 verges, 5 verges. Puis, tout d'un coup, explosion, mais on va chercher 30-40 verges. Jamal Lee a la technique. Quand il court vers le sideline, il va chercher du terrain. OK. Tu sais, il va pas juste courir latéral, perdre un peu de terrain puis exploser par après. Jamal Lee est un productif, là. Tu sais, il va aller chercher, s'il va chercher 10 en latéral, il va aller en chercher 3, toujours vers l'avant, là, tu sais. Mais il ira pas chercher un 20 verges latéral pour s'effoirer dans le sideline. OK. Donc, c'est un gars qui, ça sent au moins la CFL. Ah oh, oui, sérieusement, c'est un bon prospect. Un bon prospect. Partie très serrée avec beaucoup de revirements. 5 au total, ce qui était vraiment pas beau des deux équipes. On dit aussi que ça a été la première victoire de Bishop contre Concordia depuis le 27 octobre 2001. Donc, c'est vraiment un gros, une grosse innovation là, pour Bishop. Ils ont enfin réussi à battre Concordia. Bonne présence de l'unité défensive des Gators aussi, qui ont limité Concordia à seulement 88 verges au sol. Écoute, tu le sais, Nick, là, quand on attaque au sol, marche pas, la game est longue. Ben, c'est parce que tu manques de façon d'attaquer. C'est, tu dois attaquer dans l'air, je peux dire. Manque le mot, dans les airs. Je me sens comme Denis Lemieux, l'horaire est pas bonne, l'horaire. Donc, vraiment, en tant que tel, c'est que tu manques de diversité. Merci beaucoup. Surtout, c'est que tu joues à 3 essais, tu sais. Oui. T'essayes une course au sol, ton premier essai. Tu dois d'aller chercher un 4 verges. Mais tu gagnes rien. Parce que tu dois d'aller chercher un 4 verges pour pouvoir faire, par exemple, une petite passe. Avoir deux options. C'est ça. Ou une petite passe cachée. Tu sais, ouais, une petite passe voilée. Mais avoir au moins ta deuxième option, tu sais. Là, si tu gagnes rien avec ton jeu au sol, t'es limité avec ton jeu aérien. Hé, hey, mon gars, 2 verges pour essayer de gagner 10 verges par la passe, c'est long un moment donné, ouais, là, tu sais. On parle maintenant de Laval contre Sherbrooke, oh, comme l'a dit PL. Écoute, je pense que sérieusement... Écoute, t'as le bon terme. C'est ça, je pense que sérieusement, les renards sont sortis avec la queue entre les deux jambes du peps de l'Université Laval. Tant qu'à moi, il y avait plus de poils sur le renard de Sherbrooke. Écoute, je te disais tantôt, 15253 spectateurs au Peps. Le monde de Québec ont vraiment répondu en majorité. Vraiment. Mais c'est... Ouais, non, je suis d'accord. Là. C'est parce que ce qui est étonnant, ben, pas étonnant, c'est-à-dire que c'était une belle journée. Ouais, aussi. Faisait soleil. C'était beau dimanche. Ouais, c'était très beau dimanche. Je me suis levé dimanche là, à Québec, puis je me disais, tabarnouche, aujourd'hui, il va y avoir du monde au Géa, ça va être l'enfer. Ouais. Tu étais? J'ai pas été, je travaillais. Ah, c'est le français. Ah, tu vois. On travaille, nous, la fête de l'année. Avec toi, il y en aurait. Si tu travailles, nous, à ton football, lâche ton travail. Mais avec toi, il y en aurait eu 524. Ah ouais, ouais. Personne de plus, PL. Donc, écoute, le vert et or a marqué 3 points en début de game. Et puis, ça a été les 3 seuls points que le vert et or ont marqué. C'est 41 points qui ont pas été stoppés, là. C'est 41 points back-à-back que tu te fais marquer d'en face, puis ça l'explose de partout, là, sérieusement, là. Avec cette victoire-là, je pense que, écoute, le rouge et or ont montré que si tu veux gagner au football en français au Québec, t'as pas trois alternatives. Là, c'est le rouge or qui domine vraiment la ligue. Là, à la limite, c'est dommage un peu. Là, parce que ça nuit au recrutement de d'autres universités là, en tant que telle. Si tu veux absolument gagner, si tu veux un défi, oui, tu peux aller à McGill. Ça, c'est rendu là, c'est pas un défi, là, c'est bonne chance. Mais tu peux aller à Sherbrooke, tu peux aller à Montréal, justement, cité de Montréal. On s'entend que les gens qui vont à Montréal sont plus des habitants de Montréal en tant que tel. Puis l'autre université, c'est ça, francophone, c'est Sherbrooke, qui quand même se démarque justement par sa différence du fait que son campus est pas situé comme à Québec ou à Montréal. Non, c'est une belle ville d'étudiants. Ouais, Sherbrooke a vraiment une belle alternative pour les joueurs, mais si tu veux jouer puis dominer, t'as une opportunité là, puis c'est Laval là, tu sais. Ben, écoute, j'ai pas mon dire, je compte ça comme ça là, mais Sherbrooke est une ville de 150 000 habitants. Québec, combien d'habitants? Exactement, je pourrais pas te dire. Ah, je pense que c'est 500-600 000. Ouais, ouais, donc, on parle de 4 fois plus de fans. Donc, il y a que 8 000 personnes pour une game d'Hiver et Or. Si on mettrait ça sur 4 fois 8, il y aurait 32 000 personnes pour... Ah, facile. C'est facile. Fait que le Rouge et Or, c'est de la petite bière, là, le fou, là. Pas sûr, mais bon. Écoute, mais tu sais, ce qui aide aussi, là, c'est que Sherbrooke est vraiment une ville de football, là. Tu sais, t'as Sherbrooke, t'as Lennox à côté, les deux sont rendus ensemble. Ah, ils se splittent deux marchés, ils se splittent un marché en plus, là. Mais pas vraiment le même marché, par exemple, Nick. On parle des anglophones contre les francophones, là. Ouais, c'est pas... francophones! Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, écoute, tu peux pas être meilleur que le Rouge et Or présentement. Là. Ben c'est tellement un beau programme sérieux qu'on a à Québec. Je pense qu'on peut être fier de ça à l'Université Laval. Là, c'est tellement un beau programme, c'est un programme qui succède dans toutes les facettes du sport là à l'Université Laval, que ce soit au basketball, au soccer, au football. Je pense que le programme là de l'Université Laval est excellent. Ah, écoute, puis c'est un programme qui est très très professionnel dans sa façon de faire là. C'est à la limite de la CFL là, au niveau professionnalisme, pas au niveau talent, mais au niveau professionnalisme. Juste en terminant, Benoît Agrou, 21 de ses 36 passes. Écoute, Ben est vraiment très fort. C'est tout un joueur, aïe aïe. Puis Charles Martin a complété 11 de ses 21 passes pour le Rouge et Or, de Vert et Or. C'était Saint-Martin, hein? Ouais, c'était Saint-Martin. Soirée restait sur le banc, là. Ouais, ouais. C'est pas bon pour le Vert et Or de changer ton carrière à deux matchs. Mais Soirée s'est amené vraiment juste en fin de partie, là, au troisième quart pour essayer de limiter les dégâts. Il a fait un 3 en 6, le petit Soirée. C'est de tenter de réparer un barrage avec une gomme. Écoute, après ça, je sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, Nick. Non, mais... écoute, je suis désolé, Guillaume, mais... Encore une fois, on est poussé par le temps. Juste dire que le Rouge et Or, présentement, s'il gagne en fin de semaine, c'est quatrième fois qu'ils vont avoir saison parfaite. Ouais. Donc, en 2000, 2005, 2007 et 2008, sûrement, on parle de McGill, à moins que les Redmen nous donnent un peu d'opposition. Puis d'après moi, là, ça va être une autre histoire. Ça va être ça. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas la Coupe Vanier. On n'est pas rendu là, mais écoute, on peut y passer quand même. Ouais. Encore une fois, cette année, le Rouge et Or là, vont peut-être aller chercher une autre Coupe Vanier. Ah oui, écoute, on leur souhaite, parce que ça serait le fun que ça revienne au Québec quand même, même si on n'est pas des fans du Rouge et Or. Écoutez, on va tout de suite passer à la partie calendrier. Ça va très vite cette semaine. Donc, chez les Patriotes, au soccer, les hommes et les femmes vont affronter l'UQAM, les citadins de l'UQAM, au centre Claude Robillard vendredi soir. Et dimanche, ils seront ici même, au CAPS, contre les Carabins de l'Université de Montréal. C'est les hommes et les femmes. C'est la dernière fin de semaine de soccer pour les Patriotes cette année. Au hockey, donc comme on en a parlé plus tôt dans l'émission, les Patriots sont aux États-Unis cette semaine pour affronter des équipes de la Division 1 de la NCAA. Donc, jeudi, le 23, ils vont être à Providence, au Rhode Island, pour affronter l'Université Brown. Vendredi, mes notes sont tout croche. Vendredi, ils vont être à Harvard, dans la grosse université, le gros campus de Harvard, pour affronter les... c'est quoi les Harvard? C'est quoi les noms d'équipes? Oh, ils vont affronter Harvard, puis l'équipe qui se présentera, ça sera celle-là. Puis dimanche, ils vont être contre Dartmouth pour affronter le Big Green de Dartmouth. Hey, je connais le nom du Big Green de Dartmouth, mais je me rappelle plus de celui d'Harvard. Hey. Mais en tout cas, c'est des équipes de la Ivy League, c'est-à-dire c'est la conférence la plus prestigieuse, la plus riche aux États-Unis. On parle de Harvard, là. Donc, c'est vraiment, c'est une belle expérience de la part des Patriotes. Hockey Junior? Yes, Hockey Junior en fin de semaine. Le gros match de la fin de semaine à suivre, c'est au Centre Marcel Dionne. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui visiteront les Vultures de Drummondville. C'est le match à surveiller. Si vous voulez du bon hockey, je pense que ça serait le match à aller voir en fin de semaine. Et au football, le seul match qui est diffusé à la télé, c'est Montréal contre Bishop. Sherbrooke, Concordia, très, très, très grosse game aussi. C'est ça qui va déterminer qui passe en série. Là, présentement, tu as trois équipes qui sont avec des fiches de 4-3 et 3-4. Donc, peu importe qui gagne, tu vas sûrement avoir une triple égalité. Ah, c'est des très gros matchs. Écoutez, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre site internet au www.inconduitedepartie.com. L'émission va faire relâche la semaine prochaine parce que justement, on est en relâche, on va profiter de nos vacances. Donc, on se laisse en musique avec la chanson qui figure en 7e position du palmarès C'est fou. Voici Allergie du groupe La Descente du coude. Bonne semaine tout le monde. Bonne relâche tout le monde. À la prochaine. The song.